La vérité sur les vaccins, où je projetterai une partie des extraits du film de Lina, mais aussi où je donnerai aussi toutes les choses que Lina n'a pas pu dire, à savoir que les vaccins sont totalement inefficaces et totalement inutiles depuis le début. Ça fait 140 ans que c'est un mensonge qui se perpétue. Ça fait 25 ans que je lis des livres sur les vaccins. J'ai une bibliothèque comme ça, rien que sur les vaccins. Je suis en contact personnel avec Sylvie Simon, qui est une des journalistes d'investigation la plus pertinente, la plus pointue sur la question des vaccins. C'est une femme extraordinaire. Je ne comprends pas non plus comment elle est encore vivante aujourd'hui. Mais bon, il y a des gens qui sont protégés probablement. J'ai discuté avec Sylvie, qui est en contact avec les plus grands spécialistes, les plus grands neurologues. Et vous aurez ce soir une conférence du docteur Mulden. Je vous encourage à venir l'écouter, parce qu'il vous démontre à quel point les vaccins font des dégâts neurologiques. Bon, eh bien, effectivement, depuis 1996, j'écris un petit peu sur les contre les pouvoirs qui nous désinforment complètement. J'avais eu l'idée d'écrire un jour parce que j'avais une amie qui était au CNRS qui nous racontait les horreurs qui se passaient là-bas. Et j'ai voulu j'étais vraiment outré par tout ça. Et elle m'a dit, tu devrais écrire là-dessus. Et effectivement, j'ai commencé, je lui ai dit, j'y connais rien. Elle m'a dit, mais tu vas voir, je te donnerai plein d'informations. Elle ne m'a pas donné d'informations. Mais effectivement, les informations sont tombées sur mon bureau. Et j'ai écrit un livre à ce moment-là qui s'appelait « La dictature médico-scientifique » qui a très très bien marché. Et je devais avoir justement les bonnes feuilles, enfin un gros document sur Match, parce que c'était chez Philippe Aki, qui est le propriétaire de Match. Et le directeur de Match m'a téléphoné une fois qu'il a lu le livre, il m'a dit, écoutez, votre livre est superbe, mais alors il y a un chapitre dont je ne peux pas en parler, parce que vous avez osé aborder le chapitre des vaccins, et les vaccins c'est un sujet tabou, on ne doit pas en parler en France. Je dis, bon, si on ne doit pas en parler, alors évidemment ça m'a donné envie d'en parler, et j'ai enfourché le truc des vaccins après. Et alors quand on ouvre ça, c'est la boîte de Pandore. C'est-à-dire que vous commencez à ouvrir, à investiguer là-dedans, et vous vous rendez compte que tout est mensonge, que tout ce qu'on nous dit est faux, ou que la plupart des choses qu'on nous dit sont fausses au sujet de la santé, de l'agriculture, de l'écologie, enfin tout ça, c'est du baratin, et on est complètement conditionné par des pouvoirs complètement corrompus. Et alors une fois qu'on a commencé, on ne peut plus s'arrêter, parce qu'on se rend compte qu'il faut toujours des nouvelles informations, et il en arrive sans arrêt des nouvelles. Voilà. Donc c'était mon combat surtout. Moi j'ai fait le même cheminement que Sylvie un peu plus tard, c'est-à-dire que j'ai écrit toute ma vie des chansons d'abord, des bouquins sur d'autres sujets, et au moment de la grippe H1N1, je me suis rendu compte effectivement de toutes les incohérences, de tous les mensonges que je retrouvais étalés dans les journaux, et j'ai commencé à enquêter, et effectivement quand on commence à dérouler le fil, c'est un peu plus arrêté, parce qu'on se rend compte à quel point on a été manipulé et à quel point... tout ce qu'on nous dit est dangereux, parce que si on écoute ce qu'on nous dit, on fait vraiment des choses qui sont dangereuses pour notre santé, et que ce soit effectivement dans l'agriculture, dans la nourriture, dans les vaccins, voilà. Et donc un jour, en parlant avec Sylvie, on s'est rendu compte qu'effectivement, le plus gros problème, c'était la désinformation qui régnait, et ce qu'on nous obligeait ou ce qu'on nous conditionnait à croire, d'où ce bouquin. Il y a plusieurs sortes de médecins qui vont à l'encontre de ça. Il y a ceux qui croient ce qu'on leur dit. Parce que quand ils rentrent chez eux le soir, ils sont abonnés gratuitement, et la plupart du temps, au quotidien du médecin, qui est une vitrine de publicité pour tous les laboratoires. Donc ils avalent ça, ils n'en sortent pas, ils sont complètement conditionnés. Justement, on parlait de conditionnement, c'est le conditionnement. Ensuite, il y a les médecins qui savent très bien ce qui se passe, qui ne vaccinent pas leurs enfants, qui ne se vaccinent pas, et qui ne veulent pas le dire parce qu'ils savent qu'ils seraient renvoyés immédiatement du Conseil de l'Ordre. Parce que si le médecin commence à être trop critique par rapport à la médecine officielle, il va se faire convoquer par l'ordre des médecins. Vous savez, la plupart de mes amis médecins ont tous été radiés ou suspendus de l'ordre des médecins. Je dois les attirer, ça a l'air de ça. Ça, c'est aussi très, très important. Il y en a une grande quantité. Et puis, il y a ceux qui sont dans le doute. Et puis, alors, il y a ceux qui sont payés par les laboratoires pour justement, parce que tous ceux qui sont à des postes clés sont des gens qui sont responsables, qui sont payés par les laboratoires, qui ont des liens d'intérêt. Alors, de temps en temps, effectivement, il y a un petit scandale qui sort. On parle des liens d'intérêt. Monsieur Xavier Bertrand nous dit on va changer l'AFSAP, etc., etc. On ne change rien du tout. On change le nom de nouveau et on ne change rien d'autre. Et ça continue et ce sont les intérêts qui mènent le monde. Et que les enfants soient en meilleure santé, il n'y a jamais eu d'études qui ont été faites, à part celles qui ont été faites dernièrement par l'Institut Koch en Allemagne. Mais les gens ne le savent pas. Moi, je rencontre des gens qui me disent « Oui, mais si vous aviez, vous êtes bien content d'avoir été vacciné pour ne pas être malade. » Je n'ai jamais été vacciné et je ne suis jamais malade jusqu'à maintenant. Donc, je ne vois pas pourquoi on a peur des maladies. Quelques amis m'ont dit « Oui, mais moi, tu comprends, j'ai déjà une santé fragile. Donc, comme j'ai une santé fragile, il faut absolument que je me fasse vacciner parce que si moi, j'attrape la grippe, je vais en mourir. » Mais c'est terrible parce que c'est justement pire. Plus ils sont vaccinés, plus ils sont malades. Ça, il y a des études qui ont été faites. Il y a une étude qui est très importante sur tous les vaccins de la Terre, qui est l'étude de l'Institut Koch en Allemagne, qui a prouvé que ils ont fait ça pour voir si les enfants vaccinés étaient en meilleur état ou en plus mauvais état que les enfants non vaccinés. Et ils ont constaté que les enfants vaccinés étaient en bien meilleur état, en bien pire état, pardon, que les enfants non vaccinés. Gehen wir gleich mitten in die Tatsachen rein. Mhm. Du hast Sachen ausgewertet, die du vom Robert-Koch-Institut bekommen hast. Ja. Was ist das Robert-Koch-Institut? Das ist die oberste deutsche Gesundheitsbehörde, die sich mit Infektionskrankheiten beschäftigt. Mhm. Und am besten nimmst du jetzt mal die Zeit, um vorzustellen, mhm. was du da gemacht hast. Das Robert-Koch-Institut hat 3 Jahre lang in Deutschland 18.000 Kinder und Jugendliche befragt. Das waren sehr aufwendige Befragungen und Untersuchungen, sodass am Ende von jedem Kind ungefähr 1500 Werte vorlagen, also Antworten auf Fragen oder eben auch Untersuchungen von Blut oder Urin. Das heißt, man wollte in dieser Studie eine umfassende Aussage bekommen über die Gesundheit der deutschen Kinder. Mhm. Man hat die Kinder repräsentativ ausgewählt. Das heißt, diese Stichprobenstudie spiegelt den Zustand der deutschen Kinder allgemein wider. Man darf also die gewonnenen Daten hochrechnen und bekommt damit allgemeingültige Aussagen für die deutschen Kinder. Die Studie ist also groß genug angelegt, dass man sagen mhm. kann, sie ist zuverlässig, ja. dass man hochrechnen kann und mhm. allgemeingültige Rückschlüsse ziehen ja. kann. Gut. Wir wussten, dass die Studie gemacht wird. Die wurde sehr groß beworben und angekündigt. Und wir wussten auch, dass beispielsweise Daten über Impfungen erfasst werden. Mhm. Das war schon sehr früh bekannt über den Impfstatus. Das heißt, gegen was und wie oft ist ein Kind geimpft oder ein Jugendlicher. Also in die Studie wurden Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 17 Jahren einbezogen. Mhm. Ich dann einen Zusammenhang hergestellt zwischen Impfung ja. und Gesundheitszustand mhm. und verglichen, wie gesund sind Geimpfte und wie gesund sind ungeimpfte ja. Kinder. Und da gab es dann doch ziemlich große Unterschiede. Da gab es große Unterschiede und zwar mehr, als wir hier erwartet hätten. Ja. Ich habe das Ganze also in Folien, jetzt muss ich mal schauen. Das ist jetzt, sind Zusammenhänge zwischen Impfungen und Allergien. Die hellgrauen Säulen stellen die Ungeimpften dar und die dunkelgrauen die geimpften Kinder. Das erste Säulenpaar, da geht es um Heuschnupfen, beim zweiten Säulenpaar um Neurodermitis und beim dritten Säulenpaar um eine Nickelallergie. Und man sieht also, dass in allen drei Bereichen die ungeimpften Kinder wesentlich gesünder sind als die Geimpften. Das heißt, es ist letztendlich der Beweis, dass ungeimpfte Kinder einfach insgesamt eine wesentlich stabilere Abwehr haben. Donc, ils ont remarqué que même, par exemple, les enfants vaccinés, on ne penserait pas à ça, portent beaucoup plus souvent des lunettes, ont des scolioses, donc des maladies qui n'ont aucun rapport. Des maladies respiratoires, moi, rien que dans mon entourage, je suppose que c'est la même chose pour tout le monde. Il y a beaucoup de bébés qui ont des problèmes respiratoires. Alors, effectivement, dans ma famille, enfin, dans les gens autour de moi, on les amène un jour à l'hôpital, ils restent 3 jours à l'hôpital en observation, ils ressortent, on ne sait pas ce qu'ils ont. On ne sait pas ce qu'ils ont eu, ça a passé. Bon. Mais quand on regarde, par exemple, les taux d'asthme sur les bébés vaccinés, on comprend d'où ça vient. Vous savez qu'il y a quand même une chose qui est très importante à savoir, les gens ne le savent pas, c'est que quand vous voyez les croquis, vous savez, on vous dit le vaccin est arrivé, grâce à ça, il n'y a plus du tout de maladies, les maladies ont disparu. Pas du tout, quand vous regardez les croquis, on voit que les maladies, il y a des pics de maladies, effectivement, il y a des moments où il y a eu des épidémies, et tout d'un coup, la maladie a baissé, et au moment où elle est au plus bas, ou presque, à ce moment-là, on introduit le vaccin. Et on vous dit, oui, mais regardez, c'est grâce au vaccin que la maladie a disparu. C'est pas vrai. Savez-vous que lorsque l'OMS vous montre les courbes de décroissance des maladies infectieuses suite à des vaccinations, savez-vous que c'est de la falsification ? Rockefeller a aussi aidé à la création de l'OMS. En la finançant dès le début via sa fondation. L'Office mondial de la santé est un organisme largement influencé par le cartel pharmaceutique. Son objectif principal est de développer l'industrie du médicament à travers le monde et de protéger les intérêts des grands groupes pharmaceutiques. Parce que, en fait, vous voyez la courbe qui commence en 1985 et puis la courbe décroît jusqu'en 2000-2005. Et on dit, regardez, on a vacciné cette année-là, et depuis lors, ça décroît. Prenez maintenant 100 ans, ça fait 140 ans que les vaccins existent. Et alors, ce dont vous vous rendez compte, c'est qu'en fait, la courbe était 10 fois plus haute, et elle était en décroissance depuis 90 ans. Et puis, on a vacciné en 85, il y a eu un pic, mais celui-là, on le coupe. Donc, si on a vacciné en 84, on monte les chiffres à partir de 85, vous voyez. Donc, il y a un pic. Et puis la courbe continue à descendre. Mais en plus, jamais, jamais, jamais, aucun vaccin n'a apporté quoi que ce soit en termes de santé publique, sauf les maladies. Et c'est complètement contre ça que je me bats. La maladie n'a pas disparu grâce au vaccin. Et les laboratoires font, pour en revenir à la santé, effectivement, les laboratoires font une publicité énorme pour arriver à gagner beaucoup d'argent, font une pression énorme. Et justement, on parlait de conditionnement, et ça, c'est très important. On est conditionné par la peur. J'aurais écouté la télé depuis 2 ans, je me serais fait vacciner 45 fois, grippe H1N1, des milliards de morts. Je vous rappelle que c'était sur vos chaînes. C'est un autre procès. Oui, mais c'était sur vos chaînes que vous l'annonciez, je suis désolé. Les gens, sur Internet, c'était seulement sur Internet qu'il y avait l'affichage du CV de Bachelot qui a fait un phénomène de revolving doors entre les lobbies pharmaceutiques et les postes ministériels. C'est-à-dire qu'ils travaillent 2 ans à tel poste et qu'ils reviennent et qu'ils se donnent des petits coups de pouce entre eux. Et ça, je crois que c'est la seule chose. S'il y avait un vaccin qui était utile sur la Terre, ce serait un vaccin contre la peur. Moi, j'ai par exemple un blog, et j'ai la personne qui le tient très gentiment m'a dit un jour, j'ai des amis qui me disent, je ne vais pas aller sur le blog de Sylvie Simon, parce que j'ai peur d'avoir peur. Alors, vous vous rendez compte, il y a des gens qui ont peur et qui préfèrent ne pas connaître la vérité. Et ça, je crois que c'est les 9/10 de l'humanité, parce que ça leur ficherait tout leur paradigme en l'air. Il faudrait changer de façon de voir les choses. C'est aussi parce que je pense qu'on est depuis quelques générations conditionnés à ça, croire ce qu'on nous dit dans les médias et à ne pas rentrer chez soi et à se poser des questions. Donc les gens, dès qu'on les sort de ce contexte où on leur donne un prêt-à-penser, un prêt-à-croire, un prêt-à-vivre, un prêt-à-manger, dès qu'on les sort de ça, ils sont effrayés. Et c'est ce qui permet de les conditionner, de les manipuler et pendant ce temps, à une petite minorité de faire ce qu'ils veulent. Et dès l'école, on est manipulé. Dès l'école, on est conditionné. Un moyen communément admis pour être efficace afin d'éliminer une maladie est la vaccination. Les maladies infectieuses ont uniquement disparu pour des raisons sanitaires. C'est-à-dire qu'il faudrait donner le prochain prix Nobel de médecine, c'est une proposition que je fais, j'espère que quelqu'un la soutiendra, à des plombiers et des boulangers ou des agriculteurs. Parce que c'est grâce à eux que les maladies infectieuses ont disparu. Vous en voulez une preuve? Il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un tremblement de terre à Kobe, au Japon. Couverture vaccinale au Japon, parce que là on ne rigole pas, hein, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de liberté non plus. Couverture vaccinale, 98%. L'eau a été coupée, l'eau potable a été coupée. Les conditions sanitaires ont été épouvantables. 5 jours plus tard, les maladies infectieuses étaient partout dans la ville de Kobe. Pourtant, ces gens étaient vaccinés à 98%. Alors celui qui me fera croire encore que les vaccins, ça protège de quoi que ce soit, soit il ne veut pas entendre, soit c'est un imbécile, soit il est payé par les laboratoires. Mais arrêtez de vacciner vos enfants, bon sang. Arrêtez de vous faire vacciner. Pasteur était un remarquable... il avait une qualité, c'est qu'il savait très bien se vendre. Et il a raconté un tas de choses, il y a eu des preuves de ses mensonges. Et même quand vous voyez que le vaccin de la rage a été inventé par Pasteur, ça n'est pas vrai. Le vaccin de la rage a été inventé par un pharmacien de Toulouse. Et quand vous voyez le dictionnaire, on le voit là. C'est pas lui qui l'a inventé. Donc, Pasteur a menti tout au long de sa vie. Il a menti sur le petit Meister dont on dit qu'il a été sauvé de la rage. Il y a d'autres enfants qui ont été mordus en même temps que lui. Ils n'ont pas mort de la rage. Ils n'ont pas été vaccinés. Alors, pourquoi est-ce qu'on a pris ce petit Meister? On ne sait même pas s'il avait la rage. On ne sait même pas si l'enfant était, si le chien était enragé. Donc, on nous raconte n'importe quoi. On avale tout. Vraiment, c'est... Du reste, il y a eu un professeur qui s'appelait le professeur Peter, qui était vraiment un type remarquable, un très très grand savant, et qui a dit, Monsieur Pasteur ne guérit pas de la rage, il la donne. Il l'a dit devant tout un aéropage de gens, et tout le monde l'a écouté à l'époque. Depuis, on a oublié tout ça. Pasteur est devenu... Il y a eu un film sur Pasteur qui était une honte, ce qu'on a raconté sur Pasteur. C'est un personnage complètement mythologique, qui n'a aucun rapport avec le véritable Pasteur. Mathieu est un cas unique parce que c'est un enfant jumeau. Il ne peut pas allonger le bras et il a des problèmes à la jambe. Il n'arrivait pas à explorer son environnement comme les autres enfants. Il avait donc un peu de retard dans son développement. Mais il communiquait avec son frère, il jouait à cache-cache tous les deux, riait et s'amusait. Il était alerte et intelligent. Quand il a eu son vaccin RRU, on a eu droit à une année de hurlements. Il criait quasiment 24 heures sur 24. C'était intolérable. Quand il a eu 2 ans et demi, on a reçu un diagnostic d'autisme. Il était gravement atteint. On le sait quand on a un enfant qui est normal et qui, après avoir reçu le vaccin, devient subitement différent. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Nous avions vu ce qu'il était avant et comment il allait, et là, ce qu'il est devenu. Je souhaiterais ne pas avoir écouté le médecin qui nous a dit qu'il fallait faire vacciner notre enfant. Mais elle ne savait pas. Au fond, elle ne faisait que me transmettre l'information qu'elle avait à ce moment-là. C'est comme les épidémies d'autisme, je veux dire, quand on pose la question à des gens de nos âges, combien il y avait d'autistes dans votre classe? Il n'y en avait pas. Or, ça correspond bien, bien précisément à l'introduction, je veux dire, de certains vaccins. Et il y a des études qui ont été faites il y a longtemps, il y a en 2000 ou en fin des années 90, où on voit la courbe, la montée de l'autisme. Je veux dire, personne ne se pose la question non plus. Maintenant, il y a un autiste sur 120. Non, excusez-moi. 1 sur 88, c'est les chiffres que j'ai eu en dernier, ce matin. Les derniers chiffres, c'est dramatique. 1 sur 88. Frankie Sanders is a ninth grader who loves to play chess on his iPad and is trying to pass the test for his driver's permit. Frankie also has autism. As you may know, that's a neurodevelopmental disorder that affects language, behavior, and social skills. Boys make up the vast majority of cases. What you may not know is that 12 years ago, the Centers for Disease Control and Prevention began to estimate the total number of cases in the United States. They based it on a count of 8-year-old children with autism in select communities. If you look back in the years 2000 and 2002, it was about one child in 150 with autism. 2 years later, one in 125. Then, one in 110. And now the latest report. As of 2008, the last time an estimate was performed, one in 88 children has autism. That's a 78% increase just over the last decade. And the question on a lot of people's minds is why. How much of that increase is a result of better tracking, and how much of it is a result of an actual increase? We still don't know. C'est énorme. Et chez les garçons, c'est plus. On ne sait pas pourquoi. Ça, il y a peut-être quelque chose d'une fragilité génétique. Les garçons, c'est 1 sur 50. La régie de la santé tient pour acquis que la multiplication des vaccins signifie une meilleure santé publique et une meilleure santé individuelle. Elle est convaincue que plus, c'est mieux. Mais où en est la preuve? Qu'est-ce qui prouve qu'il est mieux d'administrer de plus en plus de vaccins durant la tendre enfance pour prévenir toutes les infections infantiles? Qu'est-ce qui prouve que la santé individuelle et la santé publique s'en trouveront améliorées à long terme? Nous avons produit une brochure qui montre aux parents le nombre de vaccins que leurs enfants reçoivent jusqu'à l'âge de 6 ans. 48 doses de 14 vaccins. Ce sont là les vaccins que le Centre de lutte contre la maladie stipule que nos enfants doivent recevoir aux âges indiqués ici. On commence à la pouponnière, 12 heures après la naissance, avec le vaccin contre l'hépatite B. Cela veut dire que dans notre pays, la première expérience immunologique d'un bébé est le vaccin anti-hépatite B, alors qu'on ne sait encore que très peu de choses de l'enfant nouveau-né. Puis, à l'âge de 2 mois, tous ces vaccins sont recommandés, ceux-ci à 4 mois, ceux-ci à 6 mois et ceux-ci de 12 à 18 mois. Et enfin, ceux-ci entre 4 et 6 ans. Là, il s'agit souvent de rappels, comme pour le RRO ou le DPT à cellulaire. On administre maintenant à nos enfants le vaccin antigrippal à partir de l'âge de 6 mois. Et on recommande un rappel de vaccin contre la grippe tous les ans pendant 5 ans. Alors qu'aucune étude ne démontre que de vacciner de petits enfants contre la grippe tous les ans soit efficace ou même sans danger. Depuis un quart de siècle, on n'a plus que doublé le nombre des vaccins qu'on administre à nos enfants. Pourquoi avons-nous si peur des micro-organismes que nous sommes prêts à vacciner tous les enfants avec de plus en plus de vaccins sans savoir si cela ne cause pas d'invalidité de longue durée ou de maladies chroniques chez une minorité de plus en plus grande d'enfants? Sommes-nous en train d'éliminer les maladies infectieuses durant la petite enfance aux dépens d'une vie entière de maladies chroniques et d'invalidité? Montre-lui le flacon de thimérosal qu'on conserve dans un contenant en métal parce qu'on en a un peu peur et parce que c'est une poudre très fine. Ça, c'est du thimérosal. L'étiquette dit « très toxique », a des effets cumulatifs, peut endommager les reins, le système respiratoire, la peau et le système nerveux. On mentionne spécifiquement ici que cela peut causer une toxicité de la reproduction et du développement. Ce qui veut dire que cela peut causer de l'autisme et d'autres troubles du développement neurologique. C'est quelque chose d'extrêmement toxique. C'est ce qu'on trouve dans le vaccin. Il est important de se rendre compte qu'il s'agit d'une grande variété de produits. Les vaccins sont importants, bien sûr, parce qu'ils sont injectés directement. Par exemple, ici, on a le vaccin antitétanique. Celui-ci est expiré. Il est daté de 2007. Et voici le timérosal, une partie par 10 000 comme préservatif. Le plus important aux États-Unis, en tout cas pour ce qui est de l'exposition au mercure, est le vaccin antigrippal. Ce vaccin est maintenant recommandé pour toutes les femmes enceintes, tous les nourrissons et tous les enfants, sur une base annuelle. Tu as le vaccin de l'an passé ? Il faut comprendre que le timérosal n'est pas ajouté à la fin de la production. Une usine ne pourrait pas produire des vaccins sans timérosal l'an prochain, par exemple. Il faudrait qu'il n'y ait plus de timérosal dans toute l'usine. Or, on ajoute du timérosal à toutes les étapes parce que l'usine n'est pas propre ou stérile. Ou bien on aura une usine stérile et coûteuse, ou le timérosal ne sera pas nécessaire, ou alors il faudra utiliser du timérosal ou quelque chose du genre. Il faut arrêter ça. Ici, on a le vaccin antigrippal d'Aventis Pasteur. Le Fluzone, timérosal, 25 microgrammes de mercure par dose. Bien des gens ne sont pas au courant. Moi-même, je ne le savais pas. J'ai dû faire 2000 injections de Rogam dans mon temps. Je m'occupe de vaccination depuis 35 ans. Je ne savais pas que le Rogam contenait du timérosal. Je crois que bien des médecins ignoraient cela. Ils ne savaient même pas que le mot timérosal signifiait mercure. Okay, would you please rise and be sworn? Do you swear to tell the whole truth and nothing but the truth, help you God? I do. See? Everybody knows the value of vaccinations, and every time you testify, you tell us how valuable they've been, and we already know that. We're not here to say that vaccinations aren't important. They're very important. They've given us the highest quality of life of any civilization in the history of mankind. That ain't what we're talking about. We're talking about why they're putting mercury in vaccinations and why it's never been tested since 1929 when Lilly developed it. Mr. Egan. Has thimerosal ever been tested by our health agencies? It's been only in the, there were those early tests that you know of that were done by Lilly. And when was that test done? That was done in 1929. Yes. And okay, well, let's follow up on that. In 1929, they tested this on 27 people that were dying of meningitis. All of those people died of meningitis, and so they said there was no correlation between their death and the mercury in the vaccines. That is the only test that's ever been done on thimerosal that I know of. Can you think of any other? No, in people, no. Except for accidental exposures over. Okay, so we have mercury that's being put into people's bodies in the form of this preservative and has been since the 30s, and it's never been tested by our health agencies. And yet you folks come here and you testify that there's no conclusive evidence, and the IOM says they favor, get this, they don't say they're sure. They say they favor rejection of a causal relationship between mercury and autism and other neurological disorders. Mr. Egan, can you say to me right now that that amount of mercury being injected into a baby will not hurt it? It's, you know, it's impossible to make those categorical statements of 100%. That's right. That's what I want you to say. So it is possible that the amount of mercury that's being injected, even in trace amounts, could damage a child neurologically, right? I don't think it has that capacity. No. I mean, that's, you know, we can argue. I know, but you don't think it is, but you can't say categorically, can you? Do I have evidence for every single child, for every possible dose? The answer is no. There you go. We've been after this now for 8 years. Now, progress is being made, but sometimes I feel like it's pulling a wisdom tooth where they get in your mouth with both feet and both hands, and they're jerking that tooth out. I mean, it's just so hard to get it moving. Why they have? Pourquoi ils en ont mis dans les vaccins? Parce qu'ils prétendent qu'il y en a si peu que ça ne peut faire de tort à personne. Mais ils ne font que contourner la question. La vraie question est de savoir si c'est toxique ou non, et ce l'est. Tout ce qui entre dans le corps humain devrait en être exempt. À mon avis, nos organismes de santé ont été négligents à l'égard de leur responsabilité de s'assurer que tout ce qui entre dans le corps humain soit exempt de mercure, surtout les vaccins. Sur la route. Je me suis fait vacciner quand j'étais au collège, quand j'avais 13-14 ans. Je me suis fait vacciner contre le vaccin contre l'hépatite B. Comme on disait que ça se transmettait par la salive et qu'à l'époque, nous, c'était les seules relations qu'on avait quoi, avec nos petits copains. Ils avaient dit, c'est le baiser qui tue. C'est, en fait, c'était le virus des jeunes, quoi, le virus du sida. Enfin, c'était le tapage médiatique. Je fais une crise à peu près tous les 6 mois. Ma dernière poussée, ça touchait la motricité, je ne pouvais plus marcher. Enfin si, je pouvais marcher, mais à une allure très réduite. Et le regard des gens, c'est assez blessant, parce que je marchais un peu comme si j'étais ivre, parce que mes mouvements sont plus coordonnés. Je sens plus mes mains. Enfin, je suis assez maladroite, parce que maintenant, je fais tomber pas mal de choses. Je me cogne partout, parce que j'ai eu une diplopie qui est jamais partie. En fait, mon champ de vision maintenant... où je vois bien, à peu près à partir de là, je vois double, à partir d'ici. Donc, tout ici, je vois double, donc je me cogne pas mal, et je pense que c'est pour ça que dans les transports en commun, dans les escalators, dans les escaliers, dans la rue, je tombe beaucoup, parce que je visualise mal. Normalement, j'ai plus le droit de conduire. L'exemple de la vaccination en France sera pris plus tard dans les écoles de santé publique comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire en matière de vaccination. Alors, tout est parti d'un rapport de l'OMS ou de conseils venant de l'OMS disant il faut vacciner toute la population si on veut éradiquer l'hépatite B. Or, je vous rappelle qu'en France, on estimait à ce moment-là qu'il y avait entre 0,1 et 0,3% de la population qui était porteur du virus. Donc, un pourcentage réduit de la population. Les jours qui ont suivi, ce fut la panique en France. Parce que tous les gens se sont précipités dans les pharmacies pour acheter du vaccin. Et on les a vaccinés depuis l'âge d'un an, jusqu'à l'âge de 75 ans. Les grands-parents qui amenaient leurs enfants au médecin pour être vaccinés leur disaient « Et moi, je ne peux pas être vacciné ?»« Bien sûr, madame, on va vous vacciner. » Donc, on a vacciné comme ça des gens qui n'avaient absolument aucun risque d'attraper l'hépatite B. Moi qui suis médecin, qui soignais des hépatites B, je ne me suis pas fait vacciner. Je n'avais aucune raison de me faire vacciner, car je n'avais pas de possibilité de contamination. Pour être contaminé, il aurait fallu que j'aie des rapports sexuels avec les malades qui avaient une hépatite B. La déontologie ne me permet pas ce type de rapport. Et d'autre part, il fallait que je sois en contact avec le sang des malades. Mais ce n'est pas moi qui suis en contact avec le sang des malades, ce sont les infirmières qui sont en contact avec le sang des malades. J'aurais pu être toxicomane, je n'étais pas toxicomane, je n'étais pas non plus homosexuel, je n'avais pas une multitude de partenaires sexuels, donc je n'avais aucun risque majeur d'attraper l'hépatite B. Donc je ne me suis pas fait vacciner. Mais on a vacciné dans le service dont j'étais le responsable, on a vacciné les secrétaires, parce qu'elles étaient en contact avec les dossiers des malades qui pouvaient... contenir le virus. C'était une véritable folie. Je me préparais à aller former un technicien sur des centrales photovoltaïques. Je faisais ça bénévolement pendant mes vacances. Mon médecin m'a dit à l'époque, il vaut mieux pour la Guadeloupe faire le vaccin à l'hépatite A. J'étais vacciné en fin 99 et début 2000. Et vers la fin de l'année 2000, je dormais mal. J'avais des douleurs, une sensibilité à la pression. Entre-temps, on avait éliminé la polyarthrite ankylosante, les rhumatismes, on avait fait par élimination un tas de choses, on avait parlé de fibromyalgie, de choses comme ça. Et puis ce fameux article sur la myofasciite macrophage et le lien éventuel entre l'aluminium contenu dans les vaccins et ce syndrome qu'on pouvait isoler ou retrouver par une biopsie. Ah oui, alors voilà, un PS quand c'est bien fait, ça donne satisfaction. Ça, c'est sur une part fine. Eh bien, la biopsie musculaire, c'est une des clés du diagnostic des maladies neuromusculaires. Ce sont des maladies rares, mais qui sont extrêmement nombreuses. Je crois qu'on en a répertorié 350, quelque chose comme ça. Donc il y a une maladie par jour, on pourrait dire, différente au cours d'une année. Voilà, ici on voit beaucoup mieux. Vous avez ici un muscle deltoïde. Ce muscle est composé de plusieurs faisceaux musculaires enrobés dans un tissu conjonctif qu'on appelle un fascia. Et donc quand on fait une biopsie musculaire, c'est-à-dire un prélèvement chirurgical du muscle, c'est dans ce tissu conjonctif, donc la partie blanche à ce niveau-là, que se situe la lésion de myofasciite à macrophage. Ce matériel, on peut l'examiner en microscopie électronique, donc à très fort grossissement. Et vous voyez que dans le cytoplasme de ce macrophage, il y a des structures noires, un peu hétérogènes, qui à très fort grossissement ont une structure fibreuse ou cristalline, qui en font donc une nanoparticule ou un nanomatériau, dont l'analyse, par différents procédés de biophysique, nous a permis de démontrer qu'il s'agit de nanocristaux d'hydroxyde d'aluminium, c'est-à-dire l'adjuvant vaccinal. On va dire de 2000 à 2002, on ne m'a jamais posé des questions sur mes vaccins. 2002-2003, on ne m'a jamais posé de questions sur mes vaccins. Et puis moi, je l'ai évoqué quelquefois. Et chaque fois que je l'évoquais, j'avais une réaction immédiate et quasi unanime du corps médical qui disait « Mais non, il n'y a aucun lien. Ça a été prouvé, même pour la sclérose en plaques, il n'y a pas de lien. » Donc, chaque fois, ça n'ouvrait pas la discussion. C'était pratiquement une fin de non-recevoir. Malheureusement, les patients qui sont atteints de myofasciite à macrophage, ils ont à la fois un blocage mental, je dirais, du monde médical à remettre en cause les vaccins au bénéfice au regard du bénéfice qu'apportent les vaccins à l'histoire de la santé humaine. Et d'autre part, ils développent un cortège de symptômes avec lesquels la plupart des médecins ne sont pas encore à l'aise et pas en confiance avec ce dont on parle. Et puis il y a un troisième niveau de blocage qu'on ne va pas minimiser, bien entendu, c'est un blocage industriel, c'est-à-dire qu'il y a des stratégies industrielles qui ont décidé d'utiliser l'hydroxyde d'aluminium comme un adjuvant et qui, sauf si elles y sont absolument contraintes, ne reviendront pas sur cette décision parce que toute leur gamme industrielle est fondée là-dessus et donc il y aurait des coûts induits probablement considérables. Et s'il n'y a pas une obligation qui leur est faite de changer d'adjuvant, eh bien, ils n'ont pas de raison d'en changer, je dirais, tant que les vérités médicales, scientifiques, judiciaires n'auront pas été clairement exposées. Et quand j'ai été à la projection, à la première du film de Lina Moreco, produit par l'ONF, j'ai appris dans le débat, parce que ce n'est pas dans le film, qu'effectivement, il y a une loi qui oblige les professionnels de la santé à signaler toute réaction bizarre suite à une vaccination. Ce que j'ai entendu aussi dans le débat, c'est que des pressions énormes étaient faites sur la plupart des infirmières pour qu'elles ne fassent pas de déclarations sur les réactions secondaires indésirables suite aux vaccinations. Et c'est là que j'ai commencé à faire mon raisonnement à partir de là. Les médecins non plus, d'ailleurs, ne font pas les déclarations. Ce qui fait que, du coup, officiellement, dans la littérature scientifique, au niveau de Santé Canada, on a extrêmement peu de cas rapportés sur les effets secondaires indésirables des vaccins. Ce qui fait qu'évidemment, lorsque vous vous plaignez des effets indésirables des vaccins et que, effectivement, vous faites appel à la loi qui vous protège des effets indésirables et qui vous indemnise, eh bien, si vous n'avez pas, effectivement, 150 000 $ pour payer un avocat pour le prouver, eh bien, vous resterez avec votre handicap à vie sans avoir été indemnisé parce qu'on vous dit, écoutez, dans la littérature et dans les répertoires que nous n'avons quasiment rien. Nous avons affaire à des menteurs, à des voleurs, à des gens qui n'ont aucune pitié pour les autres, et on le voit avec les victimes, parce que nous avons toutes les deux des quantités de victimes qui nous téléphonent et qui nous racontent leur parcours. C'est le parcours du combattant pour qu'une victime fasse reconnaître qu'elle est victime, par exemple, d'un vaccin. On vous dit que c'est toujours un hasard. Eh bien non, ce n'est pas un hasard. Je trouve que c'est au fabricant de prouver que son produit n'est pas un poison. Alors que c'est, oui, pour l'instant, à la victime de prouver qu'elle a été empoisonnée par ce produit-là. Premièrement, et puis ensuite, il faut voir les mamans de ces victimes qui téléphonent 50 fois à l'APSAP, c'est qu'ils se font envoyer paître. Donc après, on vous dit, ah, mais de toute façon, les vaccins, enfin, par exemple, le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, ils vous disent, mais il y a très peu de victimes par rapport aux gens vaccinés. Il y a des millions de vaccinés, il y a 3 victimes. Forcément, ils ne veulent pas répertorier les victimes. Il y en a des centaines et des centaines, des milliers de victimes. Donc tout ça, c'est pareil, c'est de la désinformation. Et puis, il y a aussi la manipulation, les images qui passent, les campagnes de pub, enfin, qui sont faites pour conditionner les gens. Des spots inquiétants sont diffusés à la télé aux heures de grande écoute. Le papillomavirus, qui peut toucher la plupart d'entre nous, et dès l'adolescence. Mais des moyens de prévention existent pour éviter ce cancer. Ce spot ressemble à une campagne du ministère de la Santé. Mais en fait, il est réalisé avec le soutien du laboratoire Sanofi Pasteur. C'est écrit en tout petit, en bas de l'écran. Dans une autre pub, Sanofi Pasteur met à nouveau en garde contre le risque de cancer. Et à la fin du spot, il propose sa solution, le vaccin Gardasil. Aujourd'hui, avec le vaccin Gardasil, vous pouvez mieux la protéger contre certains virus responsables du cancer du col de l'utérus. Ces virus sont transmis par contact sexuel et peuvent toucher la plupart des femmes dès l'adolescence. C'est pourquoi la vaccination est recommandée et remboursée pour les jeunes filles de 14 ans et pour celles de 15 à 23 ans. Le message est clair, il faut vacciner toutes les jeunes filles à partir de 14 ans. Parlez-en à votre médecin, c'est important. Justement, le Gardasil, qui était un vaccin contre, en admettant que ça ait un effet, hein, contre le papillomavirus, on a dit, y compris à Pasteur, il disait que c'est un vaccin contre le cancer. Moi, je me mets à la place, c'est la mère des enfants, dont beaucoup de femmes ont eu des cancers, justement, ont eu des cancers dans la famille, se dit, je vais vacciner ma fille, elle n'aura pas de cancer, mais c'est contre le papillomavirus, qui donne le cancer dans un cas sur je ne sais pas combien de centaines et de milliers, et de toute façon, c'est pas... Ils ont dit, alors maintenant, on s'est calmé, et on dit, c'est un vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Non, c'est un vaccin contre le papillomavirus. Et alors, ce qu'on ne nous dit pas, deux papillomas, contre deux papillomas, il y en a plusieurs centaines. Et en plus, il est soi-disant valable, s'il est valable, 5 ans. Alors, quand on vaccine une petite fille de 14 ans, qui risque d'avoir... Ou de 9 ans maintenant, 9-10 ans, on les vaccine. Tu as vu, il paraît qu'ils veulent vacciner les petits garçons aussi. Oui, mais alors en plus, maintenant, on vient de découvrir, et ça c'est une chose assez récente, que lorsque vous avez eu des rapports sexuels avant, le vaccin peut déclencher des cancers. Mais ça, on ne le dit pas. On ne le dit surtout pas. Et il va y avoir une épidémie de cancer d'ici quelques années qui va être épouvantable. Et on vous dira, oui, mais à l'époque, on n'avait pas les moyens de savoir ce que c'était. Puisque nous, on le sait, c'est que tout le monde pourrait le savoir. Ils n'ont qu'à chercher un peu. Si nous, on l'a découvert, ce n'est pas difficile que tout le monde le découvre. Seulement, pour les gens, ce n'est pas le problème. On leur dit, on vous prend en main, ne vous inquiétez pas. Et moi, je rencontre sans arrêt des gens qui me disent, oui, mais vous comprenez, c'est un professeur de médecine, il sait mieux que moi. Moi, je connais des professeurs de médecine, ils ne savent rien. Hein. Je vois des professeurs de médecine qui osent dire encore maintenant que la variole a été éradiquée par les vaccinations. Or, l'OMS a dit que ce n'était pas la vaccination qu'il avait. L'OMS l'a écrit. Eh bien, malgré l'OMS, et Dieu sait que je n'ai pas une grande confiance en l'OMS, mais quand elle dit des choses en défaveur des vaccinations, elle ne peut pas mentir. Peut-être se demander qu'est-ce que ça cache. Oui, qu'est-ce que ça cache. Eh bien, ils ont eux-mêmes dit que ce n'était pas la vaccination qui avait éradiqué la grippe. Et il y a encore des professeurs de médecine qui vous disent c'est grâce à la vaccination qu'on a éradiqué la variole. Ça n'est pas vrai. Et un jour, je me suis trouvée à la télévision avec un grand professeur de médecine, parce que je ne connais pas des petits professeurs, je voudrais en rencontrer un jour, mais je ne l'ai jamais rencontré. Ils sont tous des grands professeurs. Et qui m'a dit, mais vous ne vous rendez pas compte, les maladies les plus graves ont disparu grâce à la vaccination. La preuve, c'est qu'il n'y a plus de peste, il n'y a plus de choléra. Et quand le journaliste m'a interviewé, je dis, ben, je suis d'accord avec le professeur Antel. Il a commencé à faire un grand sourire, à dire ah ah. Et je dis, oui, mais ce que vous n'avez pas ajouté, c'est qu'il n'y a jamais eu de vaccin contre ces maladies. Elles ont disparu toutes seules. Alors il a perdu un peu ses moyens, il a commencé à bégayer, puis il a dit, c'est pas ce que je voulais dire. Je lui ai dit, ben, écoutez, c'est ce que vous venez de dire devant 3 millions de personnes. Retour sur le lancement d'un autre vaccin. Le Gardasil du laboratoire Sanofi. Depuis 2006, une campagne de publicité alerte les Français sur une maladie dont on parlait peu auparavant. Le cancer du col de l'utérus. Chaque année, 3500 femmes sont dépistées et 1000 femmes en meurent. Nous sommes à l'hôpital Bichat à Paris. Le docteur Born y exerce en tant que gynécologue. Pour elle, le vaccin Gardasil de Sanofi Pasteur est une avancée révolutionnaire. Elle le prescrit à toutes ses patients. Est-ce que tes amis sont vaccinés ? Pas de question, mes amis ne sont pas vaccinés. Pas encore vaccinés ? Pas encore. Bon, alors il va falloir leur expliquer alors maintenant. Vous pensez que c'est possible que ça soit classé dans les vaccins obligatoires ? J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. C'est envisageable ? C'est un rêve de gynécologue. Voilà. Le vaccin nécessite 3 injections. Donc 3 consultations chez le médecin. Chaque dose coûte 120 euros, 360 euros pour une vaccination complète. 65% de cette somme est remboursée par la Sécurité sociale. C'est tout petit, hein. En France, en 3 ans, plus d'un million de jeunes filles ont déjà été vaccinées avec le Gardasil. Chiffre d'affaires pour Sanofi Pasteur, 350 millions d'euros. Coût à la charge de la Sécu, environ 146 millions d'euros par an. Le docteur Hélène Born reconnaît qu'elle intervient dans les congrès médicaux pour le compte de plusieurs laboratoires, dont Sanofi Pasteur. Ça ne peut pas poser un problème en termes d'impartialité ? Non, parce que moi, mon but, c'est de ne plus voir de cancer du col chez la femme jeune. Comme pour les médicaments anticholestérol, quelques voix dissidentes commencent à contester le discours officiel de l'industrie pharmaceutique. Nous nous rendons au Canada. Linda Lévesque est une chercheuse en pharmacologie réputée. Elle est en train de réaliser la première étude indépendante sur le Gardasil. Cette étude, non financée par l'industrie pharmaceutique, sera rendue publique en 2012. Linda Lévesque suit plus de 100 000 jeunes filles canadiennes de l'État d'Ontario qui ont été vaccinées avec le Gardasil. Selon elle, en l'état actuel des connaissances, l'efficacité du vaccin n'est pas prouvée. La controverse scientifique la plus importante pour moi est le fait que tout le monde parle en fonction qu'on a des preuves scientifiques qui démontrent que le vaccin prévient le cancer du col et les décès dus au cancer, et il n'y a aucune donnée à ce niveau-là du tout. C'est quand même très différent de ce que dit le laboratoire qui lui dit qu'on est absolument sûr que ce vaccin empêche le cancer du col de l'utérus. Oui, oui. Et c'est quelque chose qui a été répété par plusieurs groupes, par des communautés médicales, par des sociétés professionnelles. Là, les parents qui font vacciner leurs jeunes filles, ils peuvent avoir des informations indépendantes sur le vaccin? Sur le vaccin, non. Pas selon mes connaissances. En tant que chercheur, j'aurais difficulté à obtenir ces mêmes informations moi-même. La polémique commence à prendre de l'ampleur au Canada, mais aussi aux États-Unis. Ici, on dénonce les effets secondaires du Gardasil. 3 ans après son lancement, plus de 13 000 personnes ont déclaré officiellement avoir souffert d'effets secondaires. Hospitalisation, paralysie, thrombose, 38 personnes seraient mortes après la vaccination. Le lien de cause à effet n'a pas été établi pour l'instant. Mais pour les familles, le vaccin est bien la cause des décès. Nous sommes dans la banlieue de Washington. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Christina. Happy birthday to you, Christina. Happy birthday to you. Love you. Mais Christina n'est plus là pour fêter ses 23 ans. Ensemble, nous pouvons faire le vœu que plus aucune jeune fille ne tombe malade à cause de ce vaccin. Qu'il soit retiré du marché et que des recherches scientifiques plus approfondies soient menées. C'est notre vœu, Chris. La jeune fille qui était jusque-là en pleine santé est décédée 12 jours après la troisième injection de Gardasil. Après la troisième injection, Chris a passé quelques jours à la maison, puis retourné 10 jours à l'université. Et la police est venue frapper à ma porte pour me dire qu'ils l'avaient retrouvée morte dans son lit. À New York, nous rencontrons Mark Sadaka, l'avocat d'Emily Tarcel. Il affirme qu'il y a beaucoup d'autres victimes du Gardasil. I have, at this point, 12 carceral death cases. Pour le Gardasil, j'ai 12 cas de jeunes filles mortes et un nombre incalculable de jeunes filles paralysées suite à ce vaccin en raison de l'adjuvant qui contient de l'aluminium. Chez certaines personnes, cela cause une réaction sévère de type allergique. Et ces personnes peuvent en mourir. Depuis, Emily Tarcel tente de regrouper les familles d'autres victimes présumées au sein d'une association. Elle veut porter l'affaire devant le Congrès américain, l'équivalent de notre Parlement. Elle espère obtenir un moratoire sur le Gardasil en attendant la publication des premières études indépendantes sur les effets secondaires du vaccin. Retour en France. Nous sommes à Lyon. Ce centre de recherche développe de nombreux vaccins, dont ceux de Sanofi Pasteur. C'est le docteur Yann Lerkmak de Sanofi qui nous reçoit sous la surveillance étroite du directeur de la communication. Il maintient que le Gardasil est efficace à 70%. Quant aux décès suspects, il n'y croit pas. Ce n'est pas parce qu'un effet survient après une vaccination qu'il est lié à la vaccination. Ensuite, il faut mettre des études en place pour s'assurer de la bonne tolérance des vaccins. C'est ça qui est fait depuis maintenant, depuis 2006, avec aujourd'hui plus de 50 millions de doses de Gardasil diffusées dans le monde, qui permet d'analyser les effets indésirables qui sont rapportés à la suite d'une vaccination. Et aujourd'hui, les autorités, les Américains l'ont fait récemment, les Français encore plus récemment, puisque l'Agence du médicament française a fait un communiqué il y a quelques jours seulement, pour nous dire, aujourd'hui, notre analyse nous dit qu'il n'y a pas plus d'effets indésirables graves, parce que c'est cela qu'on veut surveiller, il n'y a pas plus d'effets indésirables graves chez les gens vaccinés que chez les gens qui n'ont pas été vaccinés. Et ça, c'est essentiel. En France, le Gardasil a été mis sur le marché par Sanofi Pasteur en 2006. Il a bénéficié d'un soutien actif du ministère de la Santé. Pour que le remboursement du vaccin par la Sécu soit autorisé, il fallait que le comité technique des vaccinations, une instance de 20 médecins dépendant du ministère de la Santé, rende un avis positif sur ce vaccin. Cet avis devait être rendu en avril 2007. Mais en février, deux mois avant la décision des experts, Xavier Bertrand court-circuite tout le monde. Le ministre de la Santé annonce à l'Assemblée nationale qu'il autorise le remboursement du Gardasil de Sanofi Pasteur. Je n'ai pas voulu attendre la fin du mois de mars, alors que c'est vrai que normalement j'aurais dû attendre la fin du mois de mars pour lancer les études auprès de la Haute Autorité de Santé. Je l'ai déjà fait depuis plusieurs semaines de façon à ce que nous ne perdions pas de temps. Ce qui va nous permettre de pouvoir admettre au remboursement ce vaccin, mais un autre va arriver sur le marché avant l'été, c'est-à-dire avant le mois de juillet 2007. Mais vous... Un mois plus tard, Xavier Bertrand quittera son poste de ministre de la Santé. Pourquoi a-t-il décidé en urgence le remboursement du Gardasil par la Sécu ? Malgré de nombreuses demandes d'interview, il n'a pas souhaité nous répondre. On s'est parlé plusieurs fois à propos d'une demande d'interview de M. Xavier Bertrand. Xavier Bertrand attend l'avis d'une autre personne. Donc, je crois qu'il ne se sent pas le mieux placé en fait, pour faire quelque chose. C'est quand même, ça, votre documentaire a l'air très spécialisé, enfin, je ne sais pas comment dire. Mais, Non, c'est vraiment c'est grand public, ce n'est pas spécialisé. Ah, Bah, l'idée, c'est que comme c'est lui qui a pris la décision de lancer le remboursement du Gardasil, c'est vraiment lui qui doit s'exprimer sur ce point. C'est vraiment intéressant qu'il explique pourquoi est-ce qu'il a lancé le remboursement du Gardasil sans même attendre l'avis du comité technique de vaccination. Je pense que ce serait vraiment important qu'il puisse... Bien sûr, je vais rappuyer, j'attends, il voulait en parler à son directeur de cabinet. Sans réponse de Xavier Bertrand, et pour savoir ce qui a motivé le remboursement en urgence du Gardasil, nous prenons rendez-vous avec le professeur Floret. Ce chercheur est le président du fameux comité technique de vaccination. Concernant l'intervention de Xavier Bertrand à l'Assemblée nationale, il ne souhaite pas la commenter. Qu'est-ce qui s'est passé ? Xavier Bertrand a autorisé le remboursement avant d'attendre l'avis du comité technique de vaccination ? Je n'ai pas de commentaire à faire sur ce point. Mais encore une fois, les experts ont leur rôle, mais le choix est du domaine du politique. Ça ne vous a pas choqué qu'il n'attende pas l'avis du comité des vaccinations ? On n'est pas à quelques semaines près, c'est étonnant, non ? Je n'ai pas à commenter les décisions des ministres et des politiques. En région parisienne, le docteur Guirette, le médecin qui refuse tout contact avec les visiteurs médicaux, connaît bien l'affaire du Gardasil. Pour lui, le vaccin a été lancé sans étude de grande ampleur pour connaître son efficacité réelle. On aurait dû faire une étude, je ne sais pas, sur 20 000 jeunes filles, sur déjà 10 ou 20 ans, et voir vraiment l'efficacité de ce vaccin, avec des gens consentants. Cette étude n'est pas faite sur des jeunes filles qui sont consentantes du tout. Donc c'est un essai grandeur nature, on verra bien ce qui se passe. Mais pour le professeur Floret, il n'était pas possible de faire autrement. On reproche à ce vaccin d'avoir un côté expérimental, ça vous paraît pas... Expérimental, le mot est fort, beaucoup trop fort. Mais encore une fois, quand on lance un nouveau vaccin, un nouveau produit, on ne sait pas tout. Et on ne sait pas tout tant que le produit n'a pas été utilisé à large échelle. Il n'aurait pas été préférable d'attendre un petit peu, encore quelques temps, de savoir un peu mieux ce que donne ce vaccin dans l'avenir avant de le lancer comme ça à des millions de... Non, parce que si on avait vacciné une partie infime de la population, on n'aurait pas pu se rendre compte. En vaccinant toutes les jeunes filles, il sera donc possible de se rendre compte. En mars 2007, deux mois après Xavier Bertrand, le comité technique de vaccination a finalement rendu un avis favorable sur le Gardasil. Pour information, en 2007-2008, sur les 20 membres du comité, 14 ont déclaré avoir des liens avec le laboratoire Sanofi. C'est-à-dire qu'ils ont participé à des études, rédigé des avis ou ont été invités en congrès par le laboratoire. 14 membres sur 20, dont le professeur Floret. Là, ce qu'on voit dans le conflit d'intérêts actuel du comité technique des vaccinations, c'est que sur 20 membres, il y en a seulement 6 qui n'ont pas de lien déclaré avec le laboratoire Sanofi. Ouais. C'est pas problématique, ça ? Tout dépend du type de lien. Le fait d'avoir participé à une étude sans rémunération personnelle. L'industrie fait des choses qui sont des choses importantes. Hein. Quand vous devez autoriser tel ou tel vaccin, ça rentre forcément un petit peu en ligne de compte. Non. Non ? Franchement, non. Quelques mois plus tard, en octobre 2007, Roselyne Bachelot, nouvelle ministre de la Santé, remet à Sanofi Pasteur le prix de la recherche pharmaceutique pour son vaccin Gardasil. C'est un grand plaisir, c'est vrai, de me retrouver devant vous pour remettre ce prestigieux prix de la recherche pharmaceutique qu'est le prix Galien, dont la réputation a dépassé nos frontières depuis des années. Vous me permettrez d'évoquer un souvenir personnel, puisqu'il y a quelques années, je travaillais dans un laboratoire pharmaceutique qui s'était vu remettre le prix Galien. Et je me souviens encore, comme si c'était hier, de la joie et de la fierté de l'équipe quand nous avions eu ce prix. Donc j'ai un sentiment de très grande fraternité avec les équipes qui sont là ce soir. Et ce succès qui fait honneur à la... La ministre faisait allusion à ses 12 années passées comme visiteuse médicale dans un grand laboratoire pharmaceutique, AstraZeneca. Expérience qu'elle ne fait pas apparaître sur son CV officiel du ministère de la Santé. Pour Sanofi, le chiffre d'affaires réalisé avec le Gardasil depuis son lancement est d'au moins 350 millions d'euros. La stérilisation secrète en masse des femmes et des jeunes filles, en général à l'aide d'additifs aux vaccins, a été révélée au Brésil, à Porto Rico, au Nicaragua, au Mexique et aux Philippines. Ces actions ont été conduites sous les auspices de programmes tels que le Population Council de John D. Rockefeller, le département de la santé, de l'éducation et de l'aide sociale des États-Unis, dont Nelson Rockefeller était le sous-secrétaire, et l'Organisation mondiale de la santé créée par Rockefeller et Syngenta, en coopération avec le département de l'agriculture et le département de la défense des États-Unis.